sortir de l'œuf. Voici des œufs. Ils sont dans le sable. Ce sont des œufs de tortue. Regarde l'œuf. Il y a une tortue dans cet œuf. Elle va sortir de l'œuf. Regarde, il y a un trou dans l'œuf. La tortue a fait ce trou dans l'œuf. La tortue brise la coquille avec sa gueule. Elle peut voir à l'extérieur de l'œuf. Regarde le trou. La tortue peut sortir sa tête. Le trou est grand. La tortue peut sortir de l'œuf. La tortue est sortie de l'œuf. Elle va chercher de la nourriture.